risquez pas votre vie au passage à niveau. Respectez le code de la route. Ceci est un message de SNCF et de la Sécurité routière. Vous écoutez France Inter et vous avez bien raison, il est 17h. Les infos, Dominique Delaroy. Bonsoir. François Hollande essaye d'apaiser la colère des magistrats après ses propos controversés à des journalistes du Monde. Le chef de l'État leur a adressé une lettre dans laquelle il dit regretter profondément ses déclarations sans réalité avec sa pensée. Les magistrats saluent un début d'explication, un premier acte, mais ils préviennent qu'il faudra du temps pour que les choses se cicatrisent. Christophe Makoviak, président de la Conférence des présidents de tribunaux, président du TGI de Versailles, s'en explique à Corinne Audouin. Nous avons pu faire part de notre émotion qui est intense. On ne comprend pas pourquoi ces propos ont pu être tenus. Est-ce qu'il s'agit d'une affaire particulière ? Nous ne savons pas. Donc on ne comprend pas comment on peut tenir de tels propos sur l'institution. Il faut être clair, ça n'est pas une réaction corporatiste. C'est l'institution judiciaire qui s'est sentie blessée, offensée. Et ces propos peuvent être très dangereux dans l'exercice de notre activité. Donc nous avons pu exprimer ce que nous avons ressenti. Le ministre nous a réitéré toute la confiance qu'il avait dans l'institution judiciaire. Et il nous a remis, donc à l'issue de l'entretien, un courrier du président de la République. Le président de la République renouvelle la confiance qu'il a envers l'institution judiciaire. C'est un premier acte. Je pense qu'il faudra que cette confiance soit renouvelée à d'autres occasions. Maintenant, nous allons relayer ces propos dans nos juridictions. Nous, notre objectif, c'est de faire notre travail et de bien faire notre travail en toute confiance. Et l'onde de choc de ces confidences ébranle la majorité qui s'interroge maintenant sur ses conséquences potentiellement dévastatrices. Le Parlement de la Wallonie pourrait faire capoter le CETA. Il a en effet opposé son veto à la signature par la Belgique de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le texte du traité de libre-échange doit être soumis aux 28 pays membres mardi lors d'un conseil de l'UE à Bratislava, puis signé le 27 octobre à Bruxelles. Manuel Valls s'est rendu à Ottawa pour défendre un bon accord qui sera gagnant-gagnant, selon lui. Les députés de gauche appellent à une mobilisation massive demain dans toute la France contre ce traité, vu comme antidémocratique, anticonstitutionnel et aux incidences graves. Alep, toujours sous les bombardements du régime et de son allié russe, à la veille d'une réunion internationale en Suisse pour tenter de mettre fin au bain de sang. La rencontre est prévue à Lausanne entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergei Lavrov et John Kerry. Elle devrait inclure la Turquie, l'Arabie Saoudite et peut-être le Qatar, les parrains régionaux de l'opposition armée au régime du président Bachar al-Assad. Le Vénézuélien Arturo Sosa Abascal a été élu à la tête des jésuites, ordre le plus influent et le plus important de l'Église catholique auquel appartient le pape François, premier sud-américain à ce poste depuis 5 siècles, depuis la fondation de l'ordre en 1540 par Ignace de Loyola. L'Université d'Orléans dans le rouge, elle va engager un plan d'économie drastique pour tenter de combler un déficit de l'ordre de 12 millions d'euros et éviter la mise sous tutelle. Pour 2017, il est prévu 3 millions d'économies qui impliqueront notamment le gel du recrutement de 16 enseignants-chercheurs. Et revoilà le scandale de la viande de cheval. Le parquet demande le renvoi en procès de 2 ex-dirigeants de l'entreprise Spanghero et de 2 négociants néerlandais dans l'enquête sur la viande de cheval vendue comme du bœuf. Renvoi notamment pour escroquerie en bande organisée, tromperie aggravée. Le juge d'instruction doit décider s'il suit ou non ces réquisitions. Une mini-tornade dans le centre d'Ajaccio ce matin. En quelques instants, tout a volé en l'air avec une force inouïe. Bilan 23 blessés, dont 2 graves, Marion Galland. La tempête s'est déclenchée d'un coup et n'aura duré que quelques minutes. Des rafales de vent à plus de 100 km/h qui ont littéralement dévasté les installations de l'association caritative. Heureusement, le chapiteau principal a tenu le coup. Près de 360 enfants venaient de s'y rassembler pour le déjeuner. Leur évacuation a été très rapide. Ils ont pu être regroupés et pris en charge dans une annexe de l'hôpital d'Ajaccio qui se trouve à peine à quelques dizaines de mètres. C'est là que les secours ont mis en place leur PC sécurité et soigné les premières victimes. 11 blessés ont finalement été évacués sur l'hôpital de la Miséricorde. Une bénévole de l'association, sérieusement touchée au niveau de la rate, a dû être opérée en urgence, mais ses jours ne sont plus en danger. De nouveaux épisodes orageux sont attendus. Dans la journée, les autorités appellent donc à la plus grande prudence et encouragent les habitants d'Ajaccio à rester chez eux. À Ajaccio, Marion Galland, France Bleu RCFM pour France Inter. Effectivement, prudence, les intempéries sévissent toujours dans le sud-est. Le Var est encore en vigilance orange. Acteurs, clowns, cinéastes et dessinateurs, compositeur Pierre Etex avait beaucoup de cordes à son arc. Il s'est éteint à l'âge de 87 ans. On lui doit quelques perles rares du cinéma burlesque français, parmi lesquelles Yo-Yo et Le Grand Amour. Discret et facétieux, il était l'héritier de Buster Keaton et de Charlie Chaplin. Il avait travaillé avec Jacques Tati et Annie Fratellini, qui fut son épouse. Nous allons à la Bourse, Antoine Verlin, la Bourse en belle hausse. Eh bien oui, Dominique, après trois séances de baisse, le CAC 40 regagne actuellement 1,64%. Il est à 4477 points. Une reprise qui n'est pas que technique. La tendance est aussi soutenue par des indicateurs globalement rassurants, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou encore en Europe. Côté valeur, ça rebondit pour Lafarge-Holcim, plus 3,19%. C'est la plus forte hausse du CAC 40 devant BNP Paribas, plus 2,94%. Ou encore L'Oréal, plus quasiment 3%. Les baisses sont vraiment très rares au sein de l'indice parisien. En dehors du CAC 40, SFR Group s'octroie 3,90%. Altice a augmenté sa participation. La holding de Patrick Drahi va désormais contrôler près de 83% du capital et des droits de vote de sa filiale. À Wall Street, le Dow Jones, plutôt résistant hier, est en progression de 0,67%. Mais le CAC 40, lui, avance de 1,60% maintenant. Il est à 4476 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Tous les dimanches matins, à 11h sur France Inter, on va déguster François-Régis Gaudry. À Cuginagors existe, la cuisine corse existe. Charcuterie de montagne, agrumes de la plaine orientale, vin d'Ajaccio, l'épicurien Nicolas Stromboni nous révèle les trésors gourmands de l'île de beauté. Le dimanche matin sur France Inter, à 11h. À dimanche. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. France Inter, il est 17h07 à 18h, le journal avec Lionel Thompson. Et tout de suite, si tu écoutes, j'annule tout avec Charline Vananecker. Bonsoir. Bonsoir Dominique Delaroa. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Et puis nous, on va compléter votre journal. Hein, ben oui, tiens. Vers 17h17, donc il sera 17h25 comme à chaque fois. Oui, mais écoutez, nous on prend quelques libertés. Oui, c'est un espace de liberté. Et écoutez comment il est préparé. Salut les amis. Salut Charline. Hey, hier soir, quel beau débat. Le débat. Mais moi, je sais pas pour qui je suis. Hein. Mais t'es pas obligé d'être pour quelqu'un. Bah, si quand même, quand je regarde Koh-Lanta, j'ai toujours un favori. Oui. J'ai peut-être la solution. Ouais. Oui. Sur le site du Figaro, ils proposent un test. Quoi? Quel genre de femme êtes-vous? Non, ça c'est sur le site de Figaro, Madame. Bah oui. D'ailleurs, je l'ai fait ce test-là et je suis une femme bien dans mon époque. Ah ça c'est marrant parce que comme homme, tu serais plutôt rétro. Quoi. Bon, tais-toi. Écoutez-moi parce que on te propose un test et on te pose plein de questions politiques et puis tu sais pour quel candidat tu dois être à primaire à droite. Ah bah c'est génial. Allez, on le fait. 15 minutes plus tard. Oh, c'est compliqué quand même les questions. Ouais, et puis parfois, il n'y a aucune proposition qui me convient. Bon, allez, moi je me lance. Allez, je clique. Ah non. Ah, elle a le copé. Mais non, j'ai Alain Juppé. Ah, ouais. Oui, moi aussi j'ai Juppé, génial. Non, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais Charline, ça veut dire que t'es de gauche. Ah, mais moi je peux pas. Mais j'ai fait grève 3 semaines en 95. Ouais, dans les manifs, on l'insultait. Ouais, moi j'aime quand même. Comment est-ce que t'as fait ça? Bah, à toutes les questions, j'ai répondu que je voulais légaliser le cannabis. Ah, bien joué. Allez, on a bien rigolé, on travaille. Oh là là. Allez. Quels sont les sujets pour aujourd'hui? Alex, t'as eu qui toi? Non. Mais c'est pas important. T'as eu qui? Non, mais l'ordinateur a bugué pendant le test. Ah, attends, je vais avoir. Non, il a eu Fillon. Une valeur statistique, c'est comme les tests de Figaro, madame, voilà. Ouais, en tout cas, elle va être contente, la femme bien dans son époque, d'aller voter Fillon. Bonjour la France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui surfe sur l'écume de l'actualité et voici les trois informations qui vont glisser à toute vitesse jusqu'à 18h. Les évêques de France poussent un coup de gueule contre nos élus, ils leur somment de trouver le sens du politique. Voilà que les curetons s'en mêlent, bah normal vu qu'ils se mêlent de tout. Dieu existe partout, dans la musique, dans la nature, dans les parfums, dans les couleurs. Dieu aime la beauté, Dieu vous aime. Le virage sécuritaire et le goût pour les postures viriles bousculent les droits de l'homme. Alors est-ce que l'humanisme ne serait pas devenu un peu ringard ? Et en plus, c'est quoi assez rigolo de dire vous êtes tous des ringards ? Parce que ça permet de niveler tout le monde. On est tous là comme ça. À partir du moment où je dis vous êtes tous des ringards, on est tous des ringards, on peut se parler maintenant. Est-ce que le stade ultime de l'égalité homme-femme, ce ne serait pas la contraception masculine ? Pour l'instant, la pilule pour homme se résume à un slip chauffant. Maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Pilule masculine, slip chauffant. Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui vient de noter ce que je viens de dire, étrangement. Je ne sais pas pourquoi. C'est Alex Vizorek. Mais oui, c'est pour préparer la campagne de François Fillon. Oui, ça arrive. J'ai pas fait gaffe, j'ai dû riper. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe pour finir cette semaine, 17h20. Quand on le voit, on repère au premier abord qu'il passe plus de temps à peaufiner ses jingles que sa coiffure. Et pourtant, les deux sont foutraques. C'est Thomas VDB, c'est bonjour. Pas complètement vrai en ce qui concerne aujourd'hui. Mais absolument. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, faut savoir que moi j'ai re-regardé l'émission une deuxième fois, donc de Karine Le Marchand en replay. Ah. Et je tiens à préciser, c'est beaucoup mieux la deuxième fois. 17h30, il est végétarien et pourtant c'est une sacrée saucisse. C'est Guillaume Meurice. Oui, j'avais bien. Ouais, c'est rigolo. D'accord. Bonjour Alex, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Et ben moi je suis allé à un grand colloque sur l'art de la défiscalisation, figurez-vous. Ah. Et oui, j'ai rencontré des gérants de patrimoine. Je suis jeune, j'ai 20 ans hors taxe, mais la TVA est très lourde cette année. Oh là là, on a ri. 17h40, l'intelligence supérieure de cette équipe, ce sont les 4 minutes où on réfléchit le plus. Nous, dans la semaine, pour elle, c'est un peu ces 4 minutes d'RTT. C'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, vous me mettez la pression. Ben oui. Ouais. Je sais que vous pouvez faire avec. Ouais. On sent que vous avez la pression. Je vais parler de la dernière campagne antifraude de la RATP. Très bien, et 17h55. Avec les dragons. Celui qui se cache derrière sa guitare, et vu comme il est bâti, même s'il faisait du ukulélé, il pourrait se cacher derrière, c'est Frédéric Frobet. Et moi, je me tourne vers celle qui va présider cette émission aujourd'hui. Vous démarrez votre carrière de journaliste en Italie, puis au Brésil. Vous devenez rédactrice en chef de l'émission de Michel Pollack Droit de réponse sur TF1. Vous êtes directrice de la publication et vous avez cofondé Ciné Mensuel, puisque vous êtes Madame Ciné. Mais non, je ne l'ai pas dit. Vous êtes Catherine Ciné. Oh la chance. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... J'annule tout. Eh oui, Ciné Mensuel, qui est toujours là et bien là, avec Catherine Ciné. Merci d'être avec nous. Ah bah merci à vous de m'accueillir. Mais voilà, donc le journal satirique et mal élevé, tenu par des femmes. Oui, à la rédaction, il n'y a que des femmes. Et pour un journal satirique, ça, c'est quand même quelque chose, voilà. Non ? Mais je tiens à dire que les dessinateurs, il y a beaucoup d'hommes, hein, donc ils se vengent. Je ne dis pas les mails qu'on reçoit. Quand on leur dit ton dessin, t'es sûr ? Quoi ? Alors, Ciné Mensuel, qui survit évidemment à Ciné, et avec pas mal de dessinateurs qui sont l'avenir aussi du dessin, de la caricature, de la satire. Philippe Gueluc. on peut citer déjà ceux qui collaborent au journal. Et évidemment, il y a Isabelle Alonso, Philippe Gueluc, qui ne publie que dans... Que chez nous, et voilà. Dans Ciné Mensuel. Il y a Christophe Alévèque, il y a Jackie Berroyer, il y a Noël Godin, l'entarteur, il y a Willem, il y a aussi, par exemple, Mix et Remix. Tout à fait, inconnu en France quand on a commencé Ciné Hebdo et que un copain nous a recommandé, vraiment c'est le génie quoi. Ouais. Et puis il y en a d'autres, on a découvert par exemple Willis de Tunis, je ne sais pas si vous avez vu son chat. Et puis on est très content de découvrir des dessinateurs nouveaux, mais bon on en a plein aussi, J.O., Berthe, etc. Enfin, on a plus d'une trentaine de dessinateurs et d'illustrateurs au journal. Ouais. Vous portez une nouvelle aussi génération de dessinateurs, de caricaturistes, et puis aussi il y a des journalistes, des reporters, il y a des enquêtes, interviews, parce que c'est un journal qui est politique. Quoi, on peut dire un art de gauche toujours, Catherine Ciné ? Exactement, oui, on peut dire un art de gauche, on le reste, et je vois vraiment pas ce qu'on pourrait être d'autre d'ailleurs. Je comprends même pas comment on peut être autre chose. Vous devriez faire le test sur le Figaro pour savoir pour quel candidat. Je vais faire. Surtout qu'il m'a beaucoup plu hier soir, j'ai beaucoup intéressé. Avec toujours une conférence de rédaction, au jaja toujours. Hein. Ça, toujours, on change pas toujours. La méthode. Enfin, non, faut pas exagérer. On travaille une heure et demie. Ouais. Allez. Oui, une heure et quart, puis au bout d'une heure et quart, il y a toujours un qui va chercher une bouteille. Mais bon, après, on ouvre les bouteilles et puis on reste jusqu'à pas d'heure, quoi. Ouais. Surtout, je dois dire, les dessinateurs, les autres, ils sont un tout petit peu plus sérieux, ils partent vers 2h. Ah oui, oui, oui, parce que c'est pas du tout que parisien. Au contraire, il y a, vous disiez, il y a pas mal de dessinateurs et qui viennent de partout. Alors, Mix et Remix, est-ce qu'ils sont pas suisses? Il est, il est tout seul. Hein. Il est tout seul. Pas mal. Charline est belge. Ah ouais, voilà, c'est ça. On a Tardy aussi. On sait pas qui se cache derrière. On sait pas. On a Tardy qui nous a rejoint. Non, donc on a beaucoup de dessinateurs, mais très souvent ils montent, quoi. À part quelques gens qui sont indécrottables, qui bougent pas, mais de temps en temps, on les vient de partout. Ils viennent de temps en temps, voilà, nous voir. Et alors, donc Journal Politique, on l'a dit, avec des enquêtes, des interviews. Il y en a par exemple une ici, je vois, Catherine Sinet, 518 milliards, le cadeau de l'État aux grandes surfaces. Oui, alors voilà, ça c'est un truc absolument hallucinant. Les grandes surfaces doivent construire 30 mètres carrés, on va dire 1000, et puis ils ne doivent pas dépasser sans autorisation. C'est compliqué de demander une autorisation. Donc, la loi dit qu'il devrait être taxé 1500 euros par jour pour tout mètre carré qui dépasse. Et donc, ça fait 418 milliards, tout ça. Et donc, et personne ne s'occupe de les récupérer. C'est quand même hallucinant. Alors que tout le monde cherche de l'argent. C'est une loi qui date de 89. Voilà. Il y a une dame et son mec qui a eu des problèmes avec eux et qui depuis 20 ans se bat pour faire reconnaître ça et tout le monde s'en fout. Bah maintenant on s'en fout plus parce que c'est dans Ciné mensuel. Bah oui. Ça va faire beaucoup de sous quand ça va tomber en plus. Bah ça va bien nous arranger. Et c'est Ciné mensuel. Et qui cherche 5 milliards par-ci, qui cherche 5 milliards. Et en dessous, vous avez vu, ça c'est aussi fantastique. Oh, il y a une caricature de Pierre Gattaz. Ah, je crois que c'est une photo, moi. C'est même grande surface, la Carrefour qui revend à une autre petite surface, etc., qui revend à des Polonais, qui mettent tous leurs salariés à la porte. Mais ils sont plus payés. Enfin, ils sont pas à la porte, ils sont juste pas payés. Pas payés. Et puis c'est tout, depuis des mois, et puis qu'ils se débrouillent. Alors qu'on rappelle quand même que Ciné mensuel, c'est 5,50 euros. Oui, c'est pas cher pour s'informer, se poiler surtout, c'est aussi le but. Et puis on signale aussi la sortie le 27 octobre de Ciné, l'œil graphique, qui va paraître aux éditions de La Martinière. Et là, c'est le côté graphique de Ciné, ce qui n'est pas donné à tous les dessinateurs d'avoir ce talent graphique d'affiches de films, de pubs, de tas de choses. D'ouverture de livres, oui. Beaucoup. Ouais. Et justement, enfin, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais il tenait beaucoup, beaucoup, beaucoup à la mise en page. Mmh. Et il disait que même le meilleur des dessins du monde, s'il n'est pas bien mis en page, eh ben, il perd beaucoup de sa valeur. Et c'est que c'est un très bel ouvrage qu'on a déjà eu, nous, la chance de l'avoir en avant-première, entre les mains. Ciné, l'œil graphique aux éditions de La Martinière. Catherine Ciné est avec nous jusqu'à 18h. Youhou! Allez, quoi. This is it. Trick me twice. Will I? Inter. Et elle a aimé Catherine Siné qui est venue semer sa zone dans notre émission. Et oui, d'ailleurs, elle a fait le test sur le Figaro pendant le disque et c'est Jean-Frédéric Poisson qui est sorti. Quelle surprise, hein, Ciné-Hebdo, ça va surprendre tout le monde. Catherine Siné qui est notre invitée, Siné mensuel, il est chez votre marchand de journaux. Et autour de cette table, avec et votre redevance. Bien évidemment, nous payons le coiffeur de Thomas VDB, nous payons la mauvaise foi de Guillaume Meurice et nous subventionnons l'intelligence d'Isabelle Sorrent. Et les infos qui arrivent, là, c'est gratos, hein, c'est cadeau. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. François Hollande a adressé une lettre au Conseil supérieur de la magistrature pour exprimer ses regrets à propos de ses propos polémiques sur les juges. Oui, après les lettres d'amour de Mitterrand, on espère que Gallimard publiera les lettres d'excuses de Hollande au magistrat. Cinéma, on vient d'apprendre le décès de Pierre Etex. Ah oui, c'est triste, les deux le même jour en plus. Les deux bah, Pierre et Etex. Ah oui, c'est comme mix et remix. C'est comme mix et remix. Allez, concentrez-vous sur les brèves. Oui, bah ça je peux vous dire, il y en aura de la toute bonne. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du lavage de mains. Et oui, donc si vous croisez Robert Rochefort au Castorama, rappelez-lui quand même. François Hollande a adressé une lettre au Conseil supérieur de la magistrature pour exprimer ses regrets à propos de ses propos polémiques qui ont beaucoup blessé les juges. Oui, et s'il nous écoute, François Hollande, bah, qu'il sache que ses électeurs de 2012 attendent aussi une petite lettre d'excuse pour les promesses, ça les a beaucoup blessés. Bien sûr, ouais. Et peut-être un petit texto aussi à toutes les personnes à qui il manque des dents, qui ont été très blessées. Ça fait beaucoup de blessés. Beaucoup de lettres. International, dans un discours de campagne, Michelle Obama a déclaré « Les hommes forts n'ont pas besoin de rabaisser les femmes pour se sentir puissants ». Bam ! Prends ça, Denis Baupin ! Bam ! Non, elle parlait de Donald Trump. Oui, Donald Trump. Bon, alors on reste aux États-Unis, oui. Selon des fuites Wikileaks, avant les débats chez les démocrates, Hillary Clinton aurait pu avoir accès à des questions à l'avance. Oui, mais c'est ridicule de tricher pour avoir les questions, parce qu'en France, les politiques, ils ont une autre méthode. Pardon, je vais bien sûr vous répondre à cette question qui est très importante. D'abord, c'est pas la question. Eh oui, c'est beaucoup plus simple de choisir soi-même la question que l'intérieur on pose. Eh oui, Hillary Clinton toujours. Alors, info tout de même à vérifier. Il faut vérifier. Mais Yoko Ono aurait affirmé qu'elle avait eu une liaison avec Madame Clinton dans les années 80. J'allais de Bougrabe et sur le cul et elle a annoncé sa liaison avec Donald Trump. Je peux vous le dire. Santé à présent. C'est aujourd'hui que la salle de shoot de Paris ouvre ses portes. Eh oui, on rejoint un envoyé spécial. Guillaume Meurice, vous y êtes. Alors, comment ça se passe Ouais, bah Alex, c'est un franc succès, c'est génial. Je vois, il y a des licornes et des poneys roses qui font la file devant la salle. Et on attend l'arrivée de Michel Rocard qui est en tête des sondages au primaire de la droite. Putain, je vois Charlemagne. Voilà. Il y a Charlemagne qui arrive, je vous laisse, les mecs. Bah écoutez, ça fonctionne déjà très bien, félicitations. Économie à présent. Oui. Coca-Cola et Pepsi ont versé de 2011 à 2015 de généreuses donations à 96 associations américaines. Chapeau. Luttant contre des fléaux de santé publique comme obésité, diabète ou maladie cardiovasculaire. Ben oui, et du coup, Marc Dutroux annonçait qu'il faisait un don à Enfance et Partage. D'un coup, pas. Sociologie. Après le burn-out et le bore-out, voici le brown-out. Oui. Cette nouvelle pathologie touche le salarié laminé par l'absurdité quotidienne des tâches à accomplir. Voilà, et dans l'équipe, on appelle ça faire le journal de 17h17. La culture toujours, hein, toujours. Guy Ritchie pourrait réaliser le remake d'Aladdin. Ouais. C'est la nouvelle stratégie de Walt Disney qui fait des remakes de ses grands classiques, mais avec de véritables acteurs. Et oui, on est j'espère que cette mode viendra en France, hein, peut-être faire le remake de Plus belle la vie avec de véritables acteurs, pourrait être une bonne idée. Football, Mounir Chenaoui, un médecin spécialiste du sommeil, est arrivé à Marseille pour renforcer le staff de l'OM. C'était peut-être pas la peine de recruter un spécialiste du sommeil. Repasser les matchs de l'OM en replay, c'était bon aussi. Voilà. Foot toujours, avec les terrains de foot synthétiques qui seraient cancérigènes. Il faut rappeler aux jeunes, hein, on ne fume pas l'herbe des trucs synthétiques. Allez, une dernière pour la semaine, Alex. Allez, la brève, Duisbourg. Un bébé de 6 mois vendu sur eBay pour 5000 euros. Et l'annonce serait restée environ une heure sur le site de vente en ligne. Ben oui, après Angelina Jolie a fait une offre, 5000 euros, c'est cadeau pour elle. sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Catherine Ciné et on va aborder avec vous l'actualité. Il y a déjà un sujet, le sujet 2, qu'on a puisé dans Ciné Mensuel. On rappelle que c'est 5,50€ seulement et que le marchand de journaux, il est jamais loin. Hein. Premier sujet avec vous, les curés en chef se rebiffent. Il y en a marre des politiques qui sont dans leurs petits calculs, qui ne tiennent pas leurs promesses et n'ont pas de vision. Et oui, c'est ce que disent les évêques de France. Ils ont rédigé un texte dans lequel ils appellent nos autorités à retrouver le sens du politique. Quand ils sont colères, les curetons, ils sont pas commodes. Peut-être que l'Église catholique devrait rester dans son rôle, promouvoir la paix et l'harmonie entre les peuples, comme le faisait Jean-Paul II. Bah ouais, les couilles molles en soutane, quoi. Pardon ? T'es gentil, mais donc à milieu, il y en a ras-le-bol. Nous, l'époque où on faisait le plus de monde dans nos églises, c'est quand on brûlait, qu'on écartelait et qu'on empalait. Les guignols, évidemment. Donc les évêques. À l'époque où Canal était toujours Canal. Voilà. Depuis, il s'est pendu avec un ciel si bas. Les évêques de France sortent de leur réserve sur le politique pour dire à leur manière, c'est pas bientôt fini ces conneries. Il faut redéfinir le contrat social, disent-ils, comment vivre ensemble. La société est diverse. Alors, Catherine Ciné, si les curetons se mettent à gueuler politique, est-ce que c'est vraiment pas qu'on a touché le fond? Bah, c'est bien ce que je me disais, parce que je suis presque d'accord avec eux. Voilà, c'est la cure. Bah oui, c'est pas troublant, ça. Mais quand même. Non, mais quand ils parlent de l'absence totale de vision à long terme, les salaires indécents, les grands patrons, les injustices, le chômage, les migrants, enfin tout ça, ouais. Moi, je suis d'accord avec eux. Mais il y a quand même un petit truc qui me gêne chez eux. Ce qui termine en disant, il ne faut pas, au nom de la laïcité, expulser le religieux de la sphère publique vers le seul domaine privé où il devrait rester caché. Ah, bah ouais. Si, justement. Ouais. Il devrait rester caché, à mon avis. Hein. Ouais. Donc c'est bien qu'il... Réservé, qui se mêle généralement pas de politique, le jour où il tape du poing sur la table, ça résonne, c'est assez inédit, et là on peut légitimer... Moi je suis pas d'accord sur le fait qu'ils parlent pas de politique, je trouve qu'ils en parlent beaucoup, hein, le pape, etc. Et puis... Bon, savez, les évêques de France, c'est à part les sujets de société, allez, on va dire les évêques de France. Le pape, il s'est rendu sympathique auprès de pas mal de non-chrétiens aussi. Tout à fait. Bah, c'est un déglingo, hein, le pape. Il est fou, il est complètement fou. On sait plus où on en est, quoi. Les évêques de France doivent parler de politique, que les politiques. Quoi. Je dirais que les évêques de France doivent parler de politique, que les politiques ils ne parlent que de religion d'ailleurs en ce moment. Ouais. Il y a quand même un petit léger malaise. Hein. Et ce retour aussi de la religion et surtout aussi du catholique dans le débat public. La Manif pour tous, elle va défiler à Paris. Oui. C'est un petit peu comme si la caricature prenez vie, non ? Parce qu'il y a eu comme un moment où... C'est vrai qu'il y a une tradition dans la satire et dans la caricature française de s'en prendre aux curetons. Oui. Il y a un moment où je les entendais moins, ils étaient moins présents. Puis là, il y a une remontée qui fait que c'est comme si la caricature prenait vie devant nos yeux, non ? C'est pas cette impression ? Oui, moi je trouve aussi que c'est la caricature. Et puis, ils reprennent vraiment vie, quoi. Il y a pas... D'ailleurs, écoutez, c'est quand même extraordinaire, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être reparti dans les années, dans le siècle dernier. Et pour les catholiques, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des autres, donc ils doivent être jaloux à mon avis. Isabelle Sorrent, je suis certaine que vous avez un avis sur la question. Oui, les évêques qui prennent part au débat. C'est-à-dire que je me dis, ça pose une question intéressante sur la laïcité, parce que est-ce que la laïcité c'est l'opposition, on va dire, entre le religieux et le séculier, ou est-ce que c'est pas ce qui permet que toutes les valeurs spirituelles, y compris non religieuses, hein, par exemple la littérature, d'autres choses... Les licornes. Les licornes, mais oui. Est-ce que la laïcité, c'est pas que toutes les valeurs, justement, puissent cohabiter. Mmh. Et alors, pourquoi Monseigneur Pontier ne parlerait pas politique, après tout ? Tant qu'il n'est pas décisionnaire. Il y a bien des chanteurs qui parlent politique, etc. Ouais. Donc pourquoi pas... Mais il se mouille un petit peu. C'est l'archevêque de Marseille qui s'interroge aussi sur l'attraction qu'exerce le FN sur les catholiques et souligne que l'extrême droite, c'est pas bon pour les libertés individuelles et que ce soit l'archevêque de Marseille qui le dise. C'est sympa. Quand ça va dans notre sens, on est d'accord avec eux. Ça, c'est bien. On est d'accord avec eux. Je vous renvoie au Monde daté d'aujourd'hui avec l'édito et l'interview, bien sûr. Catherine Ciné est avec nous et juste à côté de vous, il y a ce trublion nommé. Mais Thomas Day Bay, je suis un trublion, prenez-en bonne note. C'est parti pour l'actualisique. Les primaires, c'est vraiment excellent. Le décor fait penser à question pour un champion. Voilà, parce que moi, hier, c'est vrai que le décor faisait beaucoup penser, on peut le dire. Moi, hier, j'ai assisté à la soirée des primaires et je me suis régalé. Bah, franchement, je vous le dis, parce que j'ai pas pu m'empêcher de regarder NKM, Jean-Frédéric Poisson, John Frederick Fish, hein, comme on l'avait déjà outre-Manche, Jean-François Copé et Alain Juppé, en me disant « Alors, c'est eux les prochains invités de l'émission de Karine Le Marchand. » Et là, vraiment, je suis ravi, je me dis vivement, vivement, parce que je vous le dis, moi, dimanche, j'ai été bouleversé par l'émission de Karine Le Marchand. Franchement, je trouve que ça fait du bien de voir une émission avec des angles un peu différents, de voir que les politiques sont des gens finalement comme vous et moi, et de découvrir par exemple que Arnaud Montebourg aime la charcuterie, ou bien que Marine Le Pen elle aime jardiner. Mais franchement, ça m'a rapproché d'eux. Elle bine énormément. C'est la reine de la bouture, on l'appelle. Voilà, parce que franchement, si c'est compliqué de savoir pour qui tu votes en fonction de son programme, bah, au moins là tu peux choisir pour qui tu vas voter en fonction de son hobby, et c'est quand même un peu plus facile de choisir. Franchement, moi je vous dis, avant j'étais un peu chaud sur Montebourg, mais là d'apprendre que Marine Le Pen aimait des poires dans sa recette de phare breton, je vous dis direct, si elle rajoute de la cannelle, je vote pour elle. Là, direct, franchement, je vote pour elle. Non mais je rigole pas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui ont reproché à Karine Le Marchand d'avoir fait une émission où elle copine avec Marine Le Pen, mais je suis désolé, elle avait prévenu que son émission ne parlerait pas du tout de politique. Il y en a marre de ces émissions politiques avec des questions pièges, voilà, des questions pertinentes. Et elle avait dit que tous les candidats, d'ailleurs, seraient traités exactement de la même façon. Et d'ailleurs, moi, j'ai une idée d'émission à proposer à Karine Le Marchand. On emmène tous les candidats des présidentielles caresser des petits chiens et des petits chats. On va dans un chenil ou à la SPA et chaque politique doit adopter un petit chat ou un petit chien. Alors, il y en a qui adopteraient des chiens pure race, d'autres des bâtards. Par contre, les candidats seraient tous traités exactement pareil. Ça, c'est important. Et alors, ça serait pas du tout pour parler de politique. Par contre, ça permet à tous les Français de découvrir quel ami des bêtes se cache derrière chaque candidat derrière la personnalité publique. C'est intéressant, je trouve, de renouveler les angles. Alors hier, je vous le dis, moi aujourd'hui, je trouve presque dommage que les élections se fassent au suffrage universel, parce que vu la tournure un peu télévisuelle que ça prend, pourquoi on n'organiserait pas les prochaines élections à Fort Boyard ? Ah voilà, et peut-être à la fin, c'est celui il a ramassé le plus de boyards, et il est élu président. Et peut-être pour les primaires, éventuellement, on demande à Nagui si on peut les faire, n'oubliez pas les paroles. Et je trouve que c'est des idées que je suggère. Alors, je sais que cette émission de Karine Le Marchand, elle a beaucoup été décortiquée dans tous les sens dans les médias cette semaine, mais moi je voulais justement m'arrêter un peu sur les choix musicaux qui ont illustré les interviews, parce que le premier invité, c'était Nicolas Sarkozy, et je rappelle que quand il fait son entrée dans le salon de Karine Le Marchand, la musique, c'est Earth, Wind and Fire. C'est le morceau, c'est et c'est fou parce que je m'étais jamais rendu compte que s'il y a un morceau de funk auquel Sarkozy me fait penser depuis toujours, c'est vraiment ce morceau de Earth, Wind and Fire. D'ailleurs, il y avait l'interview à un moment de Pierre Sarkozy qui expliquait combien il a été blessé par les attaques sur la taille de son père. Juste après, on entend Purple Rain de Prince. Preuve qu'on peut être petit et génial. Voilà, je trouve qu'il y a un programmateur musical chez Karine Le Marchand qui ne manque pas d'un certain sens de la propos. D'ailleurs, j'ai découvert que c'est Alia, la fille de 13 ans de Karine Le Marchand, qui a choisi les morceaux qui ont été mis dans l'émission. Quand je vois que Nicolas Sarkozy paye 50 000 euros pour la composition et l'enregistrement de la musique de sa campagne présidentielle, je me dis, c'est bête, il aurait pu vider l'iPod de sa fille Julia, qui paraît-il en plus a d'excellents goûts musicaux. Alors, pour Bruno Le Maire, le morceau qui a été choisi, c'est Alléluia de Leonard Cohen. Et pour Arnaud Montebourg, c'est Creep de Radiohead. Oula. Et c'est hallucinant, parce qu'encore une fois, c'est exactement les morceaux que j'aurais choisis pour illustrer leurs interviews. Mais le mieux, je crois, c'est vraiment pour illustrer l'interview de Marine Le Pen. Ils ont choisi Queen. Oui, moi, je suis fan de Queen. Pendant l'interview de Marine Le Pen, on a entendu Bohemian Rhapsody. Et je trouve malin que pour une interview de Marine Le Pen, on mette Bohemian Rhapsody, un morceau bohémien, sinon Romanichel, n'ayons pas peur de le dire, chanté par Freddie Mercury, qui est quasiment l'inventeur de l'homosexualité, et dont le vrai nom est Farouk Bulsara. Je lève mon verre à Karine Le Marchand, les Raïms. Merci. Merci Thomas VDB. Allez, restons dans la musique et surtout restons avec Catherine Ciné, la patronne de Ciné Mensuel, qui est avec nous jusqu'à 18h. Sur la terrasse, sous les cimes, à l'heure où le festin se termine, sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a régalé ses convives. Sur la terrasse, sous les cimes, où règne le diable à sa machine, sur la terrasse, sous les cimes, mais qu'attend le ciel pour nous foudroyer, c'est nos. Mon Dieu, que Dieu. si je mens, interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, après la vie de chez le sublime. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il a une nouvelle famille. Sur la terrasse, sous les cimes, où le tout moderne s'agglutine. Sur la terrasse, sous les cimes, Satan est heureux, il ouvre une nouvelle usine. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement, interroge la jument. Sur la terrasse, sous les cimes, où tout vient peser, on t'assassine. Sur la terrasse, sous les cimes, n'y a-t-il plus de ciel pour nous foudroyer, c'est nos vies. Mon Dieu, que tu es méchant, quel malheur pour les enfants. Non, tu manques de jugement. Et on arrive, attention. Et c'était Jean-Louis Murat, ça veut dire que vous êtes où? Sur interroge la jument, nous dit-il. Merci à la programmation musicale de Djoubaka. L'ouverture des salles de shoot qui est une belle réussite pour Jean-Louis Murat. Maintenant, parle aisément avec les chevaux. Allez, on est avec Catherine Siné, on chie dans les bégonias jusqu'à 18h. Alors il faut quand même que je dise, parce que quand je dis chie dans les bégonias, il y a des auditeurs qui m'écrivent en disant vous êtes vulgaire, mademoiselle. C'est un hommage. On rappelle quand même qu'on pense à Siné et que voilà, et on chie des bulles et tout ça. Et en plus, voilà. Il avait écrit ça pour le journal qui fait mal et ça fait du bien. Mais voilà, allez, on chie dans les bulles. Allez, on est avec Catherine Siné jusqu'à 18h avec toute l'équipe. À suivre, il y aura Isabelle Sorrente et puis là tout de suite. Bah oui. Oui, et Frédéric Fromet. Bien sûr. Vous ouais. Faites le geste non, à la guitare. Fais le geste, on dit, on l'oublie, parce mais bien qu'il est sûr. Petit, il est caché, mais on l'oublie. Mais là, c'est Guillaume. Bah oui, bah écoutez, on est vendredi, alors on se détend, on y va. Moi, je vais vous parler d'un sujet un petit peu rigolo, voilà, la fiscalité. Ça met tout de suite une bonne ambiance dans l'équipe. Je vous parle fiscalité parce qu'effectivement, j'ai regardé comme tout le monde le débat des repris de justice hier, de la primaire de la droite, pardon, excusez-moi. Et tous ont fait la même proposition, baisser les impôts. Et ça, c'est super, il y en a marre, effectivement, de payer des profs, des infirmiers, des animateurs radio étrangers qui viennent manger les blagues des honnêtes français. Je le dis, j'ai pas peur, les impôts, c'est de la merde. Et pour m'en convaincre, je suis allé ce matin un grand colloque sur l'optimisation fiscale, donc sur la défiscalisation. Et disons-le enfin, affirmons-le, défiscaliser, c'est bien. Alors c'est bien de défiscaliser si ça peut rentrer dans le cercle de l'économie. Il y a une bonne et une mauvaise défiscalisation. Il y a une bonne défiscalisation, c'est celle qui permet de créer des emplois. Est-ce qu'il y a une mauvaise défiscalisation? Question un peu piégeante, j'y répondrai pas. Ah, tu as flairé le piège, c'est bien, oui, oui, parce qu'il n'y en a pas de mauvaise défiscalisation. C'est super cool de défiscaliser parce que ça crée des emplois, il l'a dit, des emplois de gérants de patrimoine, de consultants d'investissement, de vendeurs de vaseline, j'en passe, et les plus douloureux. Alors évidemment, les impôts, ça sert à payer les métiers de la fonction publique, mais cet autre monsieur présent ce matin, il n'est pas contre payer pour qui? Pour les pompiers, pour les professeurs qui apportent un plus pour la population française. Les chroniqueurs radio? Éventuellement. Ils ont un avantage fiscal aussi très intéressant. Les chroniqueurs radio, ils ont un avantage fiscal? Journaliste, vous êtes journaliste, vous avez un abonnement forfaitaire. Moi, je suis juste chroniqueur. Ah, je connais pas tout, attendez. Ah non, mais alors moi je peux vous dire que chroniqueur radio, il n'y en a pas. Hein, ça, moi je le connais. Mais journaliste, en effet, oui. Et c'est bien de le rappeler parce que souvent les journalistes qui font des dossiers pour dénoncer les niches fiscales, ils oublient de dire journaliste. Hein, ils sont un petit peu étourdis parfois. Hein, je vais mettre un petit post-it à Dominique Seux hein, pour lundi pour qu'il n'oublie pas tout ça. Ça, ils oublient parce qu'il y a un rapport à l'argent un petit peu bizarre hein, dans ce pays qui fait que certaines personnes présentes ce matin n'assument pas vraiment de défiscaliser. Je vois pas pourquoi vous parlez de défiscalisation, là, non. Ah, parce que ça s'appelle comme ça? Ah bon? Mais écoute, peut-être. Alors donc, moi, je pensais simplement c'est de la gestion de patrimoine. Oui. Je vois pas en quoi on défiscalise en faisant ça. Est-ce que ça vous permet pas, au final, de payer moins d'impôts? Ah bah c'est certain. Voilà, donc c'est ça en fait, on appelle ça défiscaliser, hein. Défiscaliser, enlever la fiscalité, déminer, voilà, enlever des mines, déplacer, enlever Jean-Vincent Placé. Non, évidemment, non, ça ne marche pas. Mais non, parce qu'on ne peut pas l'enlever Jean-Vincent Placé, il a les dents plantées dans le parquet, on n'y arrive pas. Mais bon, vous avez compris le principe, alors je ne veux pas faire évidemment de généralité, il y en a qui assument, mais qui assument comment ? Partiellement. Vous assumez partiellement ? Oui, c'est pas ma... Bon, je ne cours pas après la défiscalisation. Vous le faites pourquoi ? Parce que je défiscalise pas pour le plaisir de défiscaliser. Oh, c'est pas un truc qu'on fait par plaisir, hein. C'est vrai qu'il faut en vouloir. Il y a un réfugié syrien qui me disait encore ce matin, moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui se battent au quotidien pour ne pas redistribuer les richesses. Moi je dis chapeau, je dis même retraite chapeau, hein, petit jeu de mots. Ils sont amusants les Syriens quand ils font des jeux de mots. Parce qu'on va pas se mentir, hein, parmi les gens qui défiscalisent, il y a quand même pas mal de personnes âgées qui veulent gérer leur patrimoine. Tiens, par exemple, ce monsieur. Quoi que vous puissiez faire, vous payez des impôts de tous les côtés. Hein ? Alors, c'est pas une question de richesse, c'est que justement, je voudrais bien être riche pour pouvoir en payer. Donc, vous défiscalisez pour pouvoir être riche, pour pouvoir payer plus d'impôts. Oui, ça pourrait être une solution, mais effectivement. Oui, donc monsieur veut jouer au con apparemment. Alors attention, il est bien tombé parce que j'ai un petit niveau à ce jeu-là. Donc il veut me faire croire qu'il veut défiscaliser dans le but de devenir plus riche et du coup payer plein d'impôts. Hein, c'est la version upgradée de Jérôme Cahuzac. Alors ok, poursuivons la logique. Mais du coup, si vous défiscalisez, vous allez payer moins d'impôts. Ah, ça, c'est tout à fait certain. Si vous défiscalisez, que vous devenez riche et que vous payez des impôts, est-ce que vous n'allez pas avoir la tentation de défiscaliser encore plus pour payer moins d'impôts ? Je ne sais pas exactement si j'en suis là, ce que je ferai. Parce que des fois, mon esprit pourrait tourner. Oui, mais ton esprit tourne déjà, à mon avis. Hein. Une grosse force centrifuge au niveau du cerveau. On est dans une rotation spirituelle totale. Est-ce que son esprit va encore tourner à ce monsieur ? En principe, non. Mais bon, l'esprit peut tourner. Allah est grand, Bouddha est gros. Allah est grand, Bouddha est gros. Ben voilà, ben je vous parlais de spirituel. Ben, je suis parti là-dessus, hein, parce qu'on n'aura pas mieux que ça. Je les ai laissés prier leur dieu à eux, hein, celui de l'économie libérale. Et continuer leur pratique ancestrale, le fameux fisc-fucking. Guillaume Meurice, merci. Il est 17h41 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Catherine Ciné, la patronne de Ciné Mensuel. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet qu'on a trouvé dans Ciné Mensuel. C'est une double page titrée « Aujourd'hui, l'humanisme est dénigré ». Ce sont les propos du fondateur de l'association Sherpa qui observe qu'un retour au sécuritaire, à la posture virile et à cela s'ajoute la résignation des peuples, tout ça fait le lit où s'endort l'humanisme. Heureusement, il reste de vrais humanistes. Des humanistes qui crient haut et fort, qui l'ont là, chevillé au corps. Car il y a assez d'argent, assez de terre pour tous les gens, et pour qu'aucun ne soit jamais chassé du monde. Non, chassé du monde. Oui, c'est vrai. Il lui manque ça de talent, mais sinon. Avec l'énergie. Et avec le réalisateur Benjamin Riquet, tout à l'heure, on se disait tiens, il s'est pas fait chier pour les rimes. Hein. C'est de la prose, c'est tout linéaire, c'est comme ça. C'est Francis Lalanne. Il a un salut prix Nobel, je vous dirais, de la littérature. Ouvrir son cœur, mais c'est le Bob Dylan ne français. Ne dénigrez pas l'humanisme de Francis Lalanne. Revenons-en à notre sujet. Dans Ciné Mensuel, aujourd'hui, l'humanisme est dénigré. William Bourdon, avocat, qui a créé l'association Sherpa et qui entend lutter contre l'impunité des multinationales et les biens mal acquis. Catherine Ciné, voilà, il y a quand même beaucoup d'espace qui est accordé à ce sujet. Vous trouvez que l'humanisme se porte moins bien qu'avant dans nos contrées Non, enfin un petit peu moins bien ici, oui, quand on voit ce qu'on fait avec les migrants. On vit une ère particulière, oui, par exemple, on va dire. Le Pen et compagnie, oui, quand même. Par contre, ça va un petit peu mieux en Afrique. Donc, mais il y a de l'espoir. Mais enfin, il y a encore du chemin à faire, hein, parce que l'humanisme, en fait, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, bah, c'est peut-être d'avoir des dirigeants honnêtes qui réfléchissent un petit peu à l'avenir, enfin, des petites choses comme ça, toutes bêtes. Et puis, alors, il y a des grands humanistes, c'est les lanceurs d'alerte, par exemple. Oui, Et puis, ce seraient des grands humanistes si les patrons voulaient bien, enfin, les patrons, les riches, les très riches, voulaient bien un petit peu partager, et puis donner un petit peu aux plus pauvres, ce serait bien aussi. Et puis, si Monsieur Fillon, il pourrait être très humaniste, par exemple, hier, il disait que le SMIG, il trouvait ça très bien, tant que tel qu'il était. Ben moi, je propose qu'ils deviennent tous très humanistes et qu'ils aillent tous pendant un an vivre au SMIG. Tous les dirigeants, tous les politiques, et on en reparle. Et oui. Je pense que là, ça va beaucoup changer la face du monde. Je vais lui en parler à Fillon, mais William Bourdon qui explique qu'au XXe siècle, la grande affaire était de réduire l'impunité des grands criminels de sang. Au XXIe siècle, c'est de réduire l'impunité des grands acteurs économiques. Oui. Et en lisant tout ça dans Ciné Mensuel, je me disais, tiens, la satire est une forme de cynisme qui est inhérente à la satire, au pamphlet, etc. Finalement, c'est un excellent moyen de promouvoir l'humanisme. Parce que c'est ça, si on doit résumer Ciné Mensuel aussi. C'est un paradoxe que vous expliquez comment que cette forme d'humanisme, elle émane beaucoup de la caricature. Oh, je pense qu'elle émane de la caricature. Je pense que c'est une manière de faire passer des choses un petit peu... Vous savez, même le dessin, hein, finalement, c'est un coup de poing dans la gueule, un bon dessin. Hein. Ça doit être beau, ça doit être drôle. Mais en plus, si c'est un coup de poing dans la gueule, c'est parfait. Donc, dans ce sens-là, les textes peuvent avoir exactement la même utilité. C'est juste un peu moins beau, mais ça peut être plus agréable à lire. Isabelle Sorrente, avant de vous laisser la parole pour votre chronique, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur là-dessus? L'humanisme? Ouais. Oui, je pense. Je me demandais, moi. Je sens que c'est un sujet qui non. vous touche. Non, mais j'aimais bien dans l'article, en fait, l'opposition avec la posture, je dirais, viriliste, voire militaire, qu'on ouais. observe quoi, chez certains dirigeants ou dirigeantes. Ou la poutinolatrie qui voilà, gagne. Voilà, chez nous. Et ça se traduit par un langage souvent vulgaire, souvent pulsionnel. Et voilà, je trouve que c'est vrai que c'est dommage de laisser ce genre de langage militaire gagner. Quand c'est les questions intelligentes, vous demandez toujours à Isabelle. Alex Vizorek. Non, j'avais rien à dire sur ce sujet. L'humanisme est-il ringard non, aujourd'hui? Non, je comprends. Demandons à Isabelle mais de faire une chronique. Vous êtes une femme dans le vent, Alex. on aurait dû se méfier quand droit de l'hommiste est devenu une insulte, quand même. Ouais. Là, on aurait dû se méfier, mais bon, on n'a rien dit. Excellente intervention de Guillaume Je vous en prie. Vous aurez bonne un réponse. Bon point, mon petit Guillaume. Bonne réponse de l'amiral. Alors, moi, je vais vous parler des choses qui n'ont aucun lien entre elles et qui sont souvent plus liées qu'on ne croit. Prenez par exemple le tome 8 d'Harry Potter, la dernière campagne anti-fraude de la RATP et la primaire de droite. Vous le savez peut-être, la traduction française du 8e opus de la série Harry Potter et l'enfant maudit, sort aujourd'hui. Donc rien que la version anglaise, hein, je vous le rappelle, elle s'est vendue cet été en France hein, à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et ce 8e tome est en réalité une pièce qui cartonne à Londres où elle se joue à guichet fermé jusqu'à fin décembre. Alors ce qui nous plaît dans Harry Potter, c'est le combat entre le bien et le mal. Harry Potter contre le méchant Drago et les alliances qui se retournent puisque dans le 8e opus, donc le fils de Harry et celui de Drago vont devenir amis. Alors on ne dit pas amant, amis. Les enfants des ennemis qui deviennent amis, donc envers et contre tous, c'est un ressort dramatique qui a fait ses preuves depuis Roméo et Juliette, en passant par Léo du Hurlevent, jusqu'à Harry Potter 8. Donc. Et ce qui nous plaît là-dedans, c'est la lutte entre le bien et le mal, les changements d'alliance, le combat des pères qui devient la paix des fils, qui devient le combat des petits-fils, qui devient la passion amoureuse des arrière-petits-fils. Bref, la tension des opposés, ça fait tourner le monde. Le combat entre le bien et le mal ne concerne pas seulement les sorciers, vous l'aurez deviné, il se joue aussi chaque jour dans la vie des Français. Alors, par exemple, est-ce bien ou mal de voter à la primaire de droite lorsqu'on n'est pas de droite? J'aurais tendance à dire que c'est bien puisque cela ne nécessite pas d'être affilié à un parti mais de déclarer sur l'honneur, je cite, « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. » Trois petits points, même si ça fait mal au cul. Ouais. Alors oui. Oui, Charline, les valeurs républicaines, moi je les partage et l'envie de réussir le redressement de la France aussi. Donc voter à la primaire de droite, est-ce bien ou mal, disons pourquoi pas. Question suivante, est-ce bien ou mal de frauder dans le métro? C'est mal, répond la RATP. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas parisiens, ou pour ceux qui ne prennent jamais le métro, la RATP a lancé une campagne d'affichage que je qualifierais de mythologique, puisqu'on y voit trois fraudeurs différents, très beaux, assez jeunes, moins de 35 ans, photographiés en plan américain avec un petit dragon sur l'épaule. Pas un diable avec une fourche, un petit dragon. Remarquez l'intelligence des communicants qui ont visé la génération Game of Thrones. Donc ce petit dragon représente, vous l'aurez deviné, notre démon, celui qui nous incite à commettre le mal. Le démon qui souffle aux voyageurs, si tu vois des contrôleurs, casse-toi, ou si on te demande ta carte d'identité, tu dis que tu l'as pas. ou c'est pas bien. Ce qui est très intéressant dans cette campagne, en plus des amendes considérables ou des peines de prison qui sont mises tout petit en bas, hein, dont sont désormais passibles les fraudeurs, c'est cette mise en scène mythologique, très légendaire du mal, donc parce que la figure du dragon, la légende, c'est plus efficace que n'importe quelle leçon de morale. Sauf que le dragon taille canari, hein, perché sur l'épaule, c'est bon pour les petits jeunes qui fraudent taille ticket de métro. Si on voulait passer à la version plus de 35 ans de la campagne, par exemple, est-ce que je dois frauder pour financer quelque chose, quoi, déjà. Là, il faudra un dragon un peu plus costaud que les mignonnes créatures de la RATP. Alors, au fond, le succès de Harry Potter, comme la campagne d'affichage de la RATP, comme la possibilité de voter pour la primaire de droite, nous disent quelque chose de plus profond qu'on ne croit sur la laïcité. La laïcité, c'est la possibilité donnée à plusieurs valeurs différentes de coexister, voire de s'opposer. Il y a plusieurs spiritualités, mais il n'y a qu'une laïcité, ce n'est pas de moi, c'est du philosophe Henri Pénard Ruiz dans Le Monde, il y a quelques jours. Eh bien, je dirais même plus, c'est parce qu'il n'y a qu'une laïcité qu'il peut y avoir plusieurs spiritualités et qu'on trouve trace de l'éternel combat de l'homme contre son ombre, même sur les affiches de la RATP. Oh, merci Isabelle Sorrente. Ajoutons que c'est très discriminant pour les dragons. Je trouve aussi. Parce qu'il y en a des dragons. Et alors, regardez les parodies sur hashtag fraude RATP et vous allez pleurer d'ailleurs. Il y a des Cahuzac, des Balkany voilà, avec des petits dragons sur l'épaule. Et un gros dragon qui dit allez, on change à Châtelet. C'est bien de mettre Isabelle le vendredi, comme ça je peux réfléchir tout le week-end à la chronique. Et oui, c'est parce qu'il y a une laïcité qu'il y a plusieurs spiritualités qui peuvent cohabiter. Oui. Magnifique message. Merci Isabelle Sorrente. Nous sommes en compagnie de Catherine Siné, pour encore un petit moment, on en profite, on va aborder le troisième sujet avec vous. Quel sujet ? Dans Society, une majorité d'hommes sont prêts à se faire prescrire une pilule contraceptive, si elle existait toutefois, parce que pour l'instant il y a juste des Américains qui testent le Vasagel, une injection dans le pénis qui bloque les spermatozoïdes pour une longue durée. En attendant, il y a un groupe de recherche à Toulouse qui depuis un moment teste la contraception masculine avec un slip chauffant. Je ne vous cache pas qu'il y a des fois où ça rate. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui ? De toi. De moi ? Non, ça m'étonnerait. Tu as oublié la dernière fois à Grand Bassam ? Quand tu m'as baisé comme un facochet, ton condom l'a déchiré. Mais qui te dit que c'est moi ? Parce que je suis pas le premier à visiter la grotte quand même. Hein. T'as reconnu un petit spermatozoïde avec une moustache ? Benoît Poulvord dans ses œuvres, dans les rayures du zèbre. Voilà, c'est un sujet sur la contraception masculine. Il y a 91% des Français qui disent bah, si ça existe, moi je suis tout à fait pour, et 61% qui sont prêts à l'utiliser. Je me disais, est-ce que ce serait pas vraiment le dernier stade de l'égalité homme-femme qu'il existe une pilule contraceptive pour l'homme ? Eh bien, écoutez, c'était une très très très très bonne nouvelle. Hein. Franchement, alors là, moi je dis bravo. Qui est prêt à se faire des piqûres dans les... Enfin bref, bravo messieurs. Ah, c'était non, les piqûres, ça... moi j'avais pensé aux pilules, mais les piqûres, oui, non, mais on est là, obligé on parle ça de piqûres ou de slip. Pour l'instant, c'est le vasagène, c'est une injection. Mais par contre, j'espère qu'ils n'ont pas droit aux mêmes campagnes que les femmes ont eu. Ça donne le cancer, c'est pas bon pour la santé, ça fait prendre des kilos, c'est pas faux, remarquer. etc. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire, messieurs. Et vous, ça vous tente, les garçons, non ? Allez, la piqûre, ouais. Je suis pas sûr, moi. Non, d'accord, je me disais aussi. Il faut prendre des cachetons. Pas emballé par l'idée complètement. Pas emballé complètement. Mais c'est une pilule. Ah, c'est une pilule. Non, je ferais bien. C'est l'idée de la piqûre qui m'est. Oui, mais non, mais oubliez la piqûre. Ils sont en train de chercher une pilule, vous voyez. Alors, il y a des chercheurs toulousains, ils sont assez marrants. Donc, ils essayent le slip chauffant parce que, évidemment, la vitalité des spermatozoïdes dépend de la température des testicules. Voilà, si ça monte de quelques degrés au-delà de 34 degrés, la production diminue. Et donc, ce groupe toulousain, il a un petit côté un peu fantasque comme ça. Il y a Franck, un membre du groupe, qui raconte qu'un ami s'est déjà branché une résistance électrique en dessous de la ceinture. Mais il a dû abandonner parce que ses collègues de boulot prenez les pieds dans la rallonge. Je vous préviens au cas où vous essayez. Et ne prenez pas un bain avec. Hein. Mais oui. Le syndrome de François. Au-delà du côté un peu rigolo, l'article explique aussi, ça pose des véritables questions. Par exemple, les femmes se sont battues pour maîtriser leur corps. Ça peut aussi être un retour à la domination des hommes si l'homme dit oui, t'inquiète pas, je m'occupe de la contraception. C'est pour combattre la perfidie de la femme qui nous fait les enfants dans le dos, bien évidemment. Et ça, on ne le dit pas. Mais moi, je suis là pour ouvrir la vérité. Non, mais moi, je suis. Je. je... Mais mange. Bon, je dois être un petit peu âgé, mais moi, je dois dire que je continuerai quand même à prendre la pilule. Je me méfie. Et puis, la contraception féminine, c'est un gros business, évidemment, pour les labos pharmaceutiques. Et donc, il y a un frein à ce niveau-là pour une contraception masculine, parce que ça phagocyterait une partie du marché. Et puis, apparemment, il y a aussi un certain machisme du corps médical qui dit qu'est-ce que c'est que ces conneries. Oui, ouais. Isabelle Sorand, vous avez un avis là-dessus aussi, parce que c'est une question intelligente. Ah, donc moi, j'étais assez fascinée par le RCT, le remonte-couilles toulousain, qui était le slip chauffant. Oui. Moi, j'ai une question. Si on prend la pilule, on a le droit d'être casse-couilles 3 jours par mois ou non? Ça, c'est une vraie question que j'ai envie de poser. Ça s'appelle les menstruations et la légalité. Elle sera vraiment l'égalité quand vous aurez vos règles, visorec. Porterez les enfants. Mais il est casse-couilles plus de 3 jours par mois. Moi, j'aurai les enfants. Exactement. Voilà, on verra si vous êtes humeur légale. Pardon, madame. C'est pourquoi Ciné Mensuel est dirigé par des femmes. Ah bah ça roule tout seul, c'est moi qui vous le dis. À cette heure-ci, Alex, que mais se passe-t-il? Oh là là, regardez-le, il est là avec son pull marine. En parlant de casse-couilles. Frédéric Frobet, les gens vous attendent pour terminer la semaine et pour chanter avec vous. De quoi allez-vous nous chanter? Déçu par l'annulation de la visite de Vladimir Poutine, j'ai hésité entre combattre un ours à main nue et prendre une cuite à la vodka. Bon, j'ai choisi d'écrire une chanson. Ode à la Russie. Да, да, да, фрер Карамазов, нет, нет, нет, фрер Богданов, да, да, да, Рашманинов, нет, нет, нет, Ма и Кристоф, да, да, да, Калашников, нет, нет, нет, Вакоса Мараков, да, да, да, Бурьяна Смирнов, нет, нет, нет, Анну Руманов, да, да, да, нет, нет, нет, да, да, да, нет, нет, нет. Mois prochain Nobel littérature. Da, da, da, très bon Michel Strogoff. Niet, niet, niet, BHL pas philosophe. Da, da, da, cocktail Molotov. Niet, niet, niet, Maître Gimserov. Da, da, da, vive les Popov. Niet, niet, niet, Patrick Topalov. Da, da, da, Gaulois bof, bof. Niet, niet, niet, toujours pas Romanov. Da, da, da, niet, niet, niet, da, da, da, niet, niet, niet. Cette chanson, pas une blague, moi pas vouloir goulag, moi vouloir gagner en Russie la Tsar Academy. La moujique, oui, la moujique. On dirait bien que Fillon, Le Pen et Mélenchon vouloir aussi heure de gloire à danse avec les Tsars. Da, da, da, journaliste haut. Niet, niet, niet, Anna Politkovskaya, da, da, da, Piotr Ilyich Tchaïkovski, niet, niet, niet, Pietro Florent Pagny, da, da, da, Sibérie en Lada, niet, niet, niet, Paris en RER, A, da, da, da, Dostoïevski, niet, niet, niet, Marc Lévy, da, da, da, niet, niet, niet, da, da, da, niet, niet, niet, c'est pas fini, da, da, da, Igor et Ivan, niet, niet, niet, Brandon et Dylan, da, da, da, da, empoisonnement polonium, niet, niet, niet, niet au droit de l'homme, da, da, da, buté tchétchène dans les chiottes, niet, niet, niet, Pussy Riot, da, da, da, ami Bachar el-Assad, niet, niet, niet, flambi pas camarade, da, da, da, niet, niet, niet, da, da, da, niet, niet, niet, da, da, da, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, niet, c'est pas si bas. Frédéric Fromet qui sera en concert ce soir à Choisy-le-Roi, à l'espace Langevin, dans le cadre du festival de Marne. Vous m'avez dit que vous passez un petit peu tard, vers 22h, 2h30. Mais allez-y, dès 20h, c'est un festival, enfin, à Choisy-le-Roi. Merci Catherine Sinet d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous, et vraiment vous êtes... formidable. Oh, voilà. Merci, mais vous aussi, je vous conseille chaleureusement Ciné Mensuel. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y dans les libraires, hein, 5,50€ seulement. C'est intelligent, c'est jouissif, c'est la satire, c'est la caricature, c'est la tradition française, mais bien sûr. Et puis on rappelle aussi, il y a toujours le dessin de ciné, est toujours là, dans Ciné Mensuel, bien sûr. Et Ciné, l'œil graphique, aux éditions de La Martinière, tout le talent graphique et la mise en page de ciné, sorti le 27 octobre. Merci beaucoup, merci à tous autour de cette table. De je vais laisser merci le madame. Mot de la fin. Allez, le mot de la fin, il est pour vous, bande de ringards. Et en plus, c'est toi assez rigolo de dire vous êtes tous des ringards, parce que ça permet de niveler tout le monde. On est tous là comme ça. À partir du moment où je dis vous êtes tous des ringards, on est tous des ringards, on peut se parler maintenant. le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Mardi prochain, à partir de 22h, okay. Liminianas et Vodou Game en concert sur France Inter. Vêtu d'un maillot de panthère. Laurent Goumard. Double affiche avec Liminianas, le chaînon manquant entre le rock garage américain et la nouvelle vague yéyé française. J'ai pris mon allure de croisière. Et Vodou Game, de l'afrofunk, on est content. Faire partie du public, réservez gratuitement vos places sur maisondelaradio.fr. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Les Nuits de Champagne à Troyes, du 23 au 29 octobre. Avec Asaf Avidan, Fahad Afredi, Louise Attac, Stacy Kent, Cyril Mokayesh, Nikkei 3D et le grand choral de Pascal Obispo, Symphonie et Polyphonie, interprété par les 900 choristes du festival. Retrouvez aussi les émissions de France Inter en direct et en public au Théâtre de Champagne en pré-ouverture des Nuits de Champagne avec l'Est éclair. Toutes les infos sur franceinter.fr. Bim ! Pile dessus, il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servagen. Bonsoir Charline Vanhoenacker et bon week-end à vous. Le 18-20 de France Inter avec ce soir à nos côtés un homme qui a fait naître des milliers de bébés dont Amandine, le premier bébé éprouvette français. Le professeur René Friedman, gynécologue obstétricien, spécialiste de la grossesse et de la procréation médicalement assistée, est l'invité d'une semaine en France. Il restera avec nous jusqu'à 20h pour le téléphone sonne qui sera plus particulièrement consacré à la PMA et à la GPA à deux jours d'un nouveau rassemblement de la Manif pour tous. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Lionel Thompson. Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, ne pourra peut-être pas être signé comme prévu à la fin du mois. Le Parlement wallon en Belgique s'y oppose. Cela pourrait tout bloquer. Les regrets de François Hollande, le président qui critique